retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la motivation à l'école, en présence de trois invités. Donc Fabien Fenouillet, qui est professeur de psychologie des apprentissages, spécialisé dans les théories de la motivation, enseignant à l'Université Paris-Nanterre, directeur adjoint du LINPE2, c'est-à-dire Laboratoire interuniversitaire de neurosciences, physiologie et psychologie. En présence aussi d'Anne Philippon, qui est enseignante d'histoire géo EMC en collège, en lycée et micro-lycée, et formatrice dans le champ des compétences professionnelles, spécialiste de la motivation et de l'entretien d'explicitation dans l'Académie de Créteil. Et Saïda Smaoui, qui a été CPE pendant 20 ans, co-coordinatrice académique de la persévérance scolaire et qui est actuellement, pardon, chef du département de l'accompagnement et du suivi des politiques éducatives dans l'Académie de Créteil. Donc bonjour à tous les trois. Et ma première question, c'est sur ce qu'est la motivation qui peut, de prime abord, sembler quelque chose de très simple, hein, être motivé, et qui en fait est une notion très complexe. Donc, comment est-ce qu'on peut définir la motivation? Ah oui, effectivement, c'est une question qui est un petit peu à tiroir en plus, non seulement elle est complexe, mais elle est à tiroir. Le premier tiroir, je pense que c'est effectivement d'avoir une idée un petit peu ce que c'est, mais ça, je pense que le premier tiroir, tout le monde l'a, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire bah, bouger. Ça veut dire, si on prend une définition simple, ça veut dire, c'est ce qui explique le dynamisme du comportement. C'est pourquoi on agit en fait. Hein, ça explique pourquoi on agit. Donc une fois qu'on a dit ça, bah oui, effectivement, ça nous paraît assez essentiel de parler de motivation déjà, parce que expliquer pourquoi on agit, c'est quand même important quand même, pourquoi on fait les choses. Et puis quand on commence à rentrer un petit peu dans le deuxième tiroir, là on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on agit? Ah, alors, en fait, historiquement, et on va l'aborder, je pense, un petit peu plus tard, mais historiquement quand même, c'est une question qui émerge seulement au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que avant le milieu du XXe siècle, on sait pas, le concept n'existait tout simplement pas. Donc, alors il existait quand même dans les livres, mais disons que personne n'utilisait quoi. On utilisait d'autres concepts, et du coup, c'est intéressant déjà de le mettre tout de suite dans le paysage, parce que les concepts qui étaient utilisés avant le milieu du XXe siècle, dont on parlait quand on parlait de motivation, c'était des concepts plutôt qui situaient l'origine de ce pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'un point de vue biologique. C'est-à-dire, c'est par exemple l'instinct, ce qui est, je pense qu'historiquement, qu'on peut dire que c'est le premier concept qui a été utilisé par rapport au terme qu'on utilise maintenant en termes de motivation. C'est l'instinct. Donc l'instinct, ça clarifie tout de suite le pourquoi on fait les choses, c'est parce qu'on a des instincts. Sauf que, bah, on sait bien que l'être humain, quand même, est assez peu doté d'instincts. Alors à cette époque-là, on croyait que les êtres humains avaient des instincts. Maintenant, on sait très bien qu'on n'en a pas. Donc du coup, ça casse un peu cette origine biologique de la motivation en disant qu'on a des instincts. Nous, on n'en a pas, en fait. Ou très peu. Les animaux en ont, ça même, c'est encore une discussion à l'heure actuelle. Au niveau biologique. Mais nous, c'est sûr qu'on n'en a pas. On en a très peu, en tout cas. Enfin, ça, c'est une discussion à part, en fait. Donc, du coup, cette origine biologique de la motivation, est-ce qu'effectivement, il y a une origine biologique de la motivation? C'est encore une question de débat à l'heure actuelle. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais je ne vais pas vous emmener là-dessus tout de suite. Hein. Mais en tout cas, il y a effectivement, il semblerait qu'il y a bien une origine biologique, mais ça n'explique pas tout, quand même. Parce que bah, on voit bien qu'il y a quand même une origine psychologique en fait aux phénomènes qui font qu'on va agir. On va en parler quelques-uns de ces phénomènes qui font qu'on va agir. Par exemple, l'estime de soi, je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans le monde scolaire. Par exemple, effectivement, la recherche de certains objectifs, par exemple la valeur. Donc on se rend bien compte que l'origine biologique, si elle explique les choses, elle n'explique pas tout. Et c'est là où on commence à rentrer dans une grande complexité de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, puisque le pourquoi on fait les choses peut effectivement s'interroger presque d'un point de vue scientifique, quelle est l'origine de mon comportement? Donc cette origine, on voit bien que, elle est pas seulement, elle peut être biologique, mais elle n'est pas seulement biologique. Elle est psychologique, mais si elle est psychologique, bah, il y a pas mal d'origines en fait. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas forcément juste chercher le pourquoi scientifique des choses, puisqu'il y a aussi un autre aspect de nous-mêmes qui rentre en débat, c'est les décisions que je prends. Donc c'est les raisons. Donc les raisons aussi qui me font agir, qui sont elles-mêmes déterminées par des causes scientifiques, si je puis dire, sont aussi des éléments qui vont évidemment non seulement décider de ma motivation, mais aussi sans doute la modifier à un certain moment. Voilà, j'ai essayé d'introduire un peu le terme, j'espère que je suis resté assez clair, mais j'ai surtout introduit sa complexité. Pourquoi c'est pas facile de l'appréhender comme ça de prime abord? Tout simplement parce qu'il a, on va dire, une double origine, tout simplement parce que, en fait, on appréhende comme un état, c'est-à-dire je suis ou je ne suis pas motivé, mais on voit bien que c'est un petit peu un processus quand même, puisqu'à un moment donné, il y a une petite décision qui doit se prendre, on voit bien qu'il y a des choses qui reposent sur les raisonnements que l'on tient. Donc plutôt des éléments psychologiques, on va dire, quoique on peut aussi avoir des éléments biologiques, puisqu'on sait que les décisions que l'on prend peuvent aussi se prendre à un niveau neuronal, on va dire. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là sur lesquels on pourra peut-être déployer un peu plus de compréhension au fur et à mesure du débat. Anne. Moi, je vais enchaîner de façon beaucoup plus simple et en contexte scolaire. Moi, je reprends le terme de Fabien qui dit c'est un processus et je trouve que pour les enseignants, c'est important d'avoir conscience de ça parce que c'est souvent, on entend des enseignants qui disent bah, cet élève, il n'est pas motivé. Et c'est vraiment méconnaître tout ce qui fait ce processus. Donc, déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'un élève peut être pas motivé à un instant T et motivé l'instant d'après. Donc ça, c'est intéressant de percevoir. Et moi, j'insisterai sur les conséquences de ce que nous on va voir en tant qu'enseignant, c'est-à-dire à la fois l'engagement dans l'activité qu'on propose à l'élève, puisque en contexte scolaire, c'est quand même particulier puisque l'élève, il a en général pas choisi d'être là. Et donc, nous, on va mesurer sa motivation à s'engager dans les activités qu'on va lui proposer. Et puis aussi la persévérance. Et ça me paraît important aussi de faire la différence entre ces deux conséquences de la motivation, parce qu'on ne va pas agir de la même manière, selon que l'élève s'engage ou pas dans la tâche. Déjà, c'est le premier point. Et puis, selon qu'il persévère ou pas. Parce qu'on a aussi une déperdition au moment de la persévérance quand l'activité devient difficile. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous m'avez dit tous les deux. Vous parliez tous les deux de processus et Fabien a demandé de dynamique. Est-ce que ce sont deux idées qui travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a une différence entre le processus de la motivation, la dynamique de la motivation? La dynamique, si je peux me permettre, Anne, je te laisse répondre après. Donc, la dynamique, c'est vraiment la définition que j'ai prise pour approcher le terme. Et donc, cette dynamique, on peut comprendre ce qui l'impulse. Ça peut être une raison, ça peut être un besoin, ça peut être un instinct. Donc, ça, c'est ce qui va impulser ce dynamisme. Mais je pense que ce dont veut parler Anne, c'est que, indépendamment de ce qui impulse ce dynamique, il a une vie propre. Et du coup, ça devient un processus. C'est-à-dire que même si effectivement on n'est pas intéressé, donc on n'a pas de motivation pour l'anglais par exemple, ou pour la géographie, donc du coup, on peut quand même, par ce qu'on appelle un intérêt en situation, déclencher un intérêt pour la géographie, pour l'anglais, parce que le cours est sympa, parce que on rencontre des gens sympas, voilà. Donc du coup, ça devient, c'est pour ça que c'est un processus, parce que à n'importe quel moment, et c'est ce que disait Anne, je pense, n'importe quel moment, finalement, c'est pas, on n'est pas motivé. C'est-à-dire que là, quand on dit qu'il y en a, c'est évidemment un processus psychologique, donc qui est propre à l'individu. C'est pas une variable externe, hein. Du coup, c'est pour ça que c'est un processus qui est psychologique et c'est pas une variable sociologique, la motivation. Alors, c'est vrai que les sociologues vont utiliser des concepts qui se rapprochent de la motivation, comme le concept de besoin, par exemple, mais c'est pas, même dans ce cadre-là, ils vont considérer que c'est interne à l'individu, puisqu'on parle de besoin, il n'y a pas de problème, hein, c'est interne. Donc, c'est bien un processus psychologique, c'est pas déclenché par des facteurs externes, mais pour autant, c'est pas attaché à l'individu. C'est-à-dire que quand on parle de motivation, on a des facteurs qui vont évidemment, en situation, faire que même si on n'est pas motivé à la base, si je puis dire, même si le dynamisme n'est pas là à la base, il peut arriver. Même si le dynamisme là, il peut s'éteindre. Et même si le dynamisme il décline, on peut quand même faire en sorte qu'il augmente. Donc, c'est pour ça que je pense que Anne parlait de l'importance de considérer la motivation, non pas d'un point de vue statique, mais d'un point de vue processuel, puisque du coup, on peut agir, soit davantage, un enseignant a plus de clés d'action sur le processus plutôt que se dire bah il est motivé, il n'est pas motivé, bah, c'est presque du ressort de l'individu. Il est motivé, il n'est pas motivé, bah voilà, on a acheté l'idée un jour, bah ah mince, c'est tombé du côté motivé, ah lui c'est côté du côté pas motivé. Et c'est comme ça, quoi. Donc c'est pas une donnée en fait que l'on prend pour un instant T donné. Enfin, on peut la prendre à un instant T donné quand même, mais c'est surtout que ce n'est pas immuable, quoi. C'est quelque chose sur lequel on a des moyens d'action, l'environnement des moyens d'action, l'ancien moyen d'action. Il y a des possibilités d'agir sur ce processus. Et vous Et parliez, enfin, d'ailleurs, pardon, vas-y, Saïda, excuse-moi, vas-y. je voulais compléter par rapport effectivement à ce processus. On le voit bien sur le terrain, en tout cas du côté à la fois des enseignants ou du personnel éducatif, dans l'évolution en fait des élèves qui sont dans des phases en fait de motivation, démotivation. Et c'est vrai que du point de vue des CPE ou des personnels éducatifs, l'objectif est de donner du sens en fait. De mon point de vue, de la motivation, c'est de vraiment de donner du sens et au-delà des apprentissages, donner du sens à l'école, donner du sens au travail en général, donner du sens à la vie en société. Et effectivement, c'est cette idée de processus où à certains moments, une année sur l'autre, on voit une motivation plus ou une démotivation. Et c'est en lien aussi avec la lutte contre le décrochage scolaire et je dirais même la lutte contre la démotivation finalement. Puisque c'est par là que ça commence et le décrochage après se traduit de manière concrète par des actes ou par des absences. Et effectivement, enfin, je rejoins sur cette idée de processus et qui est rassurant quelque part, qui fait qu'on sait qu'on peut agir sur ça en fonction des facteurs internes ou externes. Et bah du coup, ça commence à répondre à la question que j'allais vous poser à tous les Ah, trois. d'accord. Parce que, non, mais tu parlais de mesures, Anne, et du coup, je me disais comment on voit dans la classe et dans l'établissement si l'élève est motivé ou pas. Et est-ce que dans la recherche, il y a un système de mesures? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est développé ou est-ce que, voilà, est-ce qu'on voit une échelle? Je vais laisser parler Anne, puisque je pense qu'elle avait des choses intéressantes à nous dire. Ben, en fait, je voulais avant rebondir sur ce qui avait été dit, mais juste pour terminer sur ce qu'on a dit avant, c'est l'idée que la motivation, elle est intrinsèque, comme le dit Fabien, mais que l'enseignant peut effectivement agir dessus, non pas en motivant l'élève, parce que ça, on ne peut pas le faire, mais en mettant en place des conditions pour que l'élève puisse finalement trouver sa motivation. Nous, on va agir pour accompagner. Et du coup, moi, j'aime bien dire que la motivation, c'est une responsabilité partagée entre l'élève et l'enseignant. Parce que l'enseignant ne peut pas tout faire, mais en même temps, il a quelque chose à faire. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Et pour la deuxième question, en fait, je m'étais dit, c'est d'abord Fabien qui va parler de la mesure, parce que voilà. Et puis moi, je pourrais donner des exemples parce que je m'appuie sur ce que présente Fabien et ce qu'on a travaillé ensemble. Je continue avec. Bien, merci Anne. Je vais donc effectivement parler peut-être effectivement de la mesure de la motivation. Alors, la motivation, c'est un phénomène subjectif, hein, faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire que l'on prend des mesures du point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'on pose des questions aux individus sur un certain nombre de phénomènes qu'ils ont vécu dans des situations ou qu'ils vivent, je dirais, globalement. Et en fonction de ces perceptions qu'ils ont de la situation et ou de ces perceptions qu'ils ont sur la vie en général, on va déduire effectivement qu'ils ont telle ou telle forme de motivation. Et c'est là où on rentre dans la complexité de la mesure, qui est liée à la complexité de la définition du terme que j'ai commencé à appréhender, qui fait que quand on commence à se demander justement qu'est-ce qui fait, quelles sont les caractéristiques soit de ressenti que j'ai par la situation, soit de compréhension que j'ai par rapport à la situation, parce que ça peut aussi être ça, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de phénomènes de psychologie qui sont susceptibles d'expliquer ce qu'on appelle motivation. Et c'est donc là, effectivement, je vais peut-être commencer à distinguer deux choses qui sont quand même très importantes, je pense, à distinguer, parce qu'on en parle On en parle beaucoup là sans franchement les nommer. C'est que, en fait, il y a deux phénomènes qui sont conjugués dans ce qu'on appelle motivation à l'heure actuelle, et que moi j'ai conjugué dans ce que j'ai appelé le processus motivationnel. Parce que là, du coup, on commence à mieux appréhender quand on parle de motivation, il faut mieux parler de processus que de motivation, puisque on a bien vu que quand on apprend la motivation comme un état, c'est effectivement c'est on-off, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Anne. Je connaissais pas effectivement de dire que la motivation c'est une responsabilité partagée, parce que du coup ça se comprend mieux quand on parle de processus que quand on parle d'état, parce que du coup effectivement quand on est en termes d'état, la motivation c'est du ressort de l'individu, c'est finalement il n'y a que lui qui peut agir dessus. Non, pas du tout en fait. Quand on parle de processus, non, puisque là du coup on se rend bien compte que le processus étant sujet à des fluctuations qui sont liées à l'intervention multiple, effectivement si on est enseignant on intervient sur ce processus, donc c'est pas il n'est pas motivé pour ses apprentissages. C'est quasiment de sa faute. C'est effectivement, malheureusement, j'ai pas réussi à le motiver pour les apprentissages en question. C'est là où effectivement c'est extrêmement important de bien le comprendre. Et donc ces deux éléments que je voulais distinguer dans le processus motivationnel, c'est d'une part le début de ce processus qui va expliquer pourquoi on fait les choses, et d'autre part pourquoi est-ce qu'on continue à faire les choses, qui est en fait ce qu'on appelle la volition. On a commencé à en parler, mais sans la nommer, mais c'est en fait c'est extrêmement important dans le monde scolaire, parce que finalement, dans le monde scolaire, c'est plus ce côté volitionnel qui est important que le côté motivationnel. Parce que c'est bien d'expliquer pourquoi on fait les choses, c'est vrai que c'est important, et on a commencé à appréhender certaines formes de motivation qui sont extrêmement bien définies à l'heure actuelle, enfin, qui sont mieux définies à l'heure actuelle. Qu'on commence à pouvoir mesurer, comme par exemple les motivations intrinsèques et extrinsèques, comme par exemple la valeur. Donc ça, c'est des éléments effectivement que l'on peut appréhender. Mais c'est tout aussi important de pouvoir appréhender le processus motivationnel, puisque même si effectivement on a une motivation intrinsèque à un moment donné, une motivation qui est portée par l'individu, le processus va faire que les conditions qui sont mises en place dans l'environnement vont faire que ce n'est pas possible. On ne peut pas développer, en fait, je suis intéressé par les matières, mais de l'enseignant ou les contraintes que l'on me donne, pas forcément l'enseignant, mais l'institution, les contraintes d'évaluation que j'ai, font que je vais me désintéresser parce que ça ne m'intéresse pas d'être évalué et de me dire que je suis mauvais, par exemple. Donc, du coup, ces différents éléments vont intervenir sur le processus motivationnel et vont entraver, en fait, la persistance du comportement. Donc, on peut avoir des bonnes raisons de faire les choses, mais comme le processus n'arrive pas à se dérouler jusqu'à, par exemple, une com meilleure compréhension, c'est là où on va aborder différents types de résultats, parce que la motivation a différents types d'effets. Effectivement, ça peut avoir des effets négatifs sur l'apprentissage, mais ça va avoir des effets négatifs sur le bien-être ou des effets positifs en fonction de la façon dont on appréhende ce processus. Voilà, donc c'est l'aspect volitionnel finalement qui est presque le plus important dans le monde scolaire, parce que dans le monde scolaire, en fait, on est sur des apprentissages au long cours. On n'est pas effectivement sur une séance et puis la fin de séance, je dois avoir compris. C'est je commence à appréhender l'apprentissage de la lecture et au bout de 2 ans, je sais lire. Donc voilà, c'est en années que ça se compte. Donc on est beaucoup plus sur des questions volitionnelles que sur des questions motivationnelles. Donc la vraie question de la motivation dans les apprentissages scolaires, en tout cas, c'est pas vrai forcément partout, mais la vraie question dans l'apprentissage scolaire, c'est comment est-ce que je maintiens la volition, comment est-ce que je fais en sorte que ce processus persiste, quoi. C'est plus ça, en fait. Et donc là, ça me permet de revenir sur les mesures de la motivation. Et donc, si on se met au début du processus, ça va être effectivement comprendre les différentes formes de motivation qui existent déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Pardon? Qui sont ces différentes formes, Alors, qui sont je vais revenir, mais destinées. c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a différentes formes de motivation qui existent, qui ont des caractéristiques qui vont être très différentes et qui vont plus ou moins s'emboîter les unes dans les autres. Puisque, effectivement, quand on parle, pardon, de motivation intrinsèque, on parle aussi d'intérêt. Quand on parle d'intérêt, on a deux formes d'intérêt, on a un intérêt situationnel et un intérêt individuel. C'est pas exactement la même chose. Donc, du coup, on a ces différents éléments motivationnels qui sont multiples et qui vont plus ou moins s'emboîter, mais il y en a qui vont pas du tout, qui vont pas du tout être compatibles, qui vont être très différents en tout cas. Donc, les différentes formes de motivation, j'ai essayé d'en lister en fait quelques-unes que j'ai plutôt envoyées à mes ouvrages, mais je peux déjà en citer quelques-unes là. Tout de suite, on a évidemment l'intérêt dans le monde scolaire qui est Quand on parle de motivation dans le monde scolaire, on parle principalement d'intérêt, en fait. Mais on a d'autres formes qui sont effectivement tout aussi importantes. On a les valeurs qui vont. Alors, les valeurs, ça va expliquer effectivement pourquoi on fait les choses. Donc, c'est ce qui va donner du sens. On parlait de sens tout à l'heure. On a les buts qui sont tout aussi importantes. Et puis après, on a d'autres formes qui sont plutôt des résurgences effectivement d'explications biologiques comme les besoins. Mais on va parler de besoins psychologiques actuellement, qu'on va différencier justement des besoins biologiques ou physiologiques, et qui seraient sous-jacents, mais ça dépend des modèles. Et c'est là, finalement, on va rentrer dans la complexité, pourquoi on fait les choses, c'est que, il y a beaucoup de modèles motivationnels, et c'est là où ça devient très compliqué, en fait, parce qu'il y a des modèles qui sont... Alors déjà, il y a des modèles qui sont dans le monde scolaire, et d'autres qui sont plutôt appliqués au travail. Il y en a qui sont beaucoup plus généralistes que d'autres, et donc qui vont proposer un certain nombre de motifs, de motivation, qui sont plutôt des motifs dans ces cas-là. Et on a des modèles donc, qui vont effectivement proposer en fait une articulation entre différentes variables. Alors j'avais effectivement dans un travail que je vous invite peut-être à consulter, qui est sur les 100 théories de la motivation, où j'avais expliqué que voilà, les 100 théories. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui est un petit peu difficile à lire quand on n'est pas spécialiste, mais on vient de sortir avec un collègue un ouvrage collectif sur les théories de la motivation, qui s'appelle Le Grand Manuel de psychologie de la motivation, qui permet en fait de mieux appréhender, je pense, les théories, parce que vous avez les principales théories qui sont dans l'éducation, vous avez des chapitres qui sont vraiment consacrés à l'éducation dans ce livre-là. Et puis, vous avez une présentation globale de l'ensemble des théories. Donc, je pense que si vous voulez appréhender, en plus, on vient juste de le sortir, donc il est 2024, donc il est vraiment actuel. Donc, ça vous permettra effectivement de comprendre l'ensemble des différents motifs qui sont là, quoi. Et donc, ces différents motifs, hein, c'est pour ça que je les appelle motifs, parce que je les mets au début du processus, hein, ces différents motifs ont donc des mesures qui leur sont spécifiques, même plusieurs mesures. Et comme j'ai dit, on va agir du point de vue subjectif. On ne va pas agir, on va prendre les informations d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'on va poser en fait des questions sous forme d'échelle en général. Et donc ces échelles nous permettent effectivement, d'un point de vue subjectif, de savoir si on est, par exemple, motivé intrinsèquement, motivé extrinsèquement, si on a développé un intérêt situationnel, si on a développé un intérêt individuel, si on est en motivation identifiée, c'est-à-dire qu'on a identifié une valeur à l'activité ou pas, si on a on poursuit un but d'apprentissage, un but de performance, tout ça, c'est des concepts motivationnels qui sont utilisés, si on a un sentiment d'efficacité personnelle assez élevé, parce que c'est un mécanisme extrêmement important dans le cadre de la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, donc toutes ces mesures-là nous permettent effectivement de dire où est-ce qu'on en est d'un point de vue motivationnel, quelles sont les motivations qui vont expliquer pourquoi on fait les choses. Mais après, on a le processus qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, comment est-ce que je persiste, qu'est-ce qui fait que. Et c'est là qu'on va appréhender déjà les décisions que je prends, des échelles qui vont nous permettre de comprendre les décisions qu'on a prises. Des modèles en fait qui nous permettent d'expliquer ça, et puis aussi les stratégies que l'on met en place. Il y a un phénomène qui est extrêmement important que l'on doit prendre en compte lorsqu'on parle de processus motivationnel, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation des apprentissages, c'est un phénomène justement qui va expliquer la persistance du comportement, c'est-à-dire que on est motivé pour faire quelque chose, mais encore faut-il avoir des stratégies qui nous permettent de faire face aux difficultés lorsqu'on les rencontre, de savoir nous y prendre dans nos apprentissages, de savoir demander de l'aide, par exemple. Parce que ça, c'est un phénomène extrêmement important. Si on n'est pas en mesure de demander de l'aide, on sait très bien que, effectivement, on va en face de mur dans certains cas. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, font partie du processus. Ils ne sont pas expliqués forcément par du pourquoi vous arrivez, mais vous expliquez pourquoi est-ce que vous persistez. Et on a du coup différents concepts qui sont convoqués à ce moment-là, dans le cadre du processus, qui sont extrêmement importants. Je parle par exemple du concept de métacognition. Donc, comment est-ce que je comprends mes propres processus? C'est ça la métacognition. Comment est-ce que je comprends ma propre motivation, par exemple? Comment est-ce que je comprends, par exemple, comment est-ce que je conçois les compétences? On sait rendu compte que ces éléments-là sont extrêmement importants, vont justement nous permettre de comprendre pourquoi des individus vont persister ou pas dans certaines activités, un concept que l'on va mettre à l'ordre du jour à un moment donné, qui est le concept de résignation apprise, concept de résignation apprise, donc qui va expliquer justement bah, pourquoi il y en a qui ne s'engagent plus dans l'activité, pourquoi il y en a qui s'engagent. Et donc ça, c'est des conceptions que je vais développer qui vont faire que bah, dans certains cas, je vais persister, dans d'autres cas, je ne vais pas persister. Donc la métacognition est un concept qui va nous permettre de comprendre mieux ce processus. Et il y a un autre concept aussi qui est extrêmement important à convoquer, qui est le concept de contrôle de soi, puisqu'il y a des recherches qui datent de très longtemps, hein, des années 70, qui montrent que les élèves en fait, qui ont le plus grand contrôle d'eux-mêmes, même dès l'âge de 4 ans, sont les élèves qui sont les plus intelligents, qui vont réussir par la suite. Alors, quand je dis qu'ils sont plus intelligents, c'est montré, c'est mesuré par le QI. Le QI est une conception d'intelligence parmi d'autres. Je précise tout de suite hein, qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'on confond souvent la mesure du QI avec l'intelligence en général. L'intelligence est beaucoup plus riche que ce qu'est la mesure du QI. Mais en tout cas, ce que mesurent ces tests, c'est qu'effectivement, les élèves qui, dès 4 ans, ont un contrôle de soi supérieur, sont des élèves qui vont être capables, évidemment, de persister face à la frustration, par exemple, et donc qui vont se montrer beaucoup plus persistants. On voit bien que ce n'est pas une question de motif d'engagement dans les apprentissages, mais c'est bien une question de résistance, par exemple, à l'ennui, dans le cas des apprentissages, qui est quelque chose qui sont. C'est des éléments qui sont très importants à comprendre lorsqu'on est confronté aux apprentissages scolaires, puisque comme l'a dit Anne à un moment donné, et surtout Saïda aussi, ce n'est pas forcément des élèves qui ont choisi d'être là. Et à un moment donné, en tout cas, on sait très bien qu'un des problèmes du système scolaire, c'est que bah, les élèves veulent très vite fuir. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle autant de motivation, c'est parce qu'on se rend compte que si ils veulent en fuir, en fait, on n'arrive plus à les faire apprendre. Alors, donc, Voilà. pardon, plein d'éléments très riches. Je vais revenir sur la question de voir ou mesurer la motivation. Et après, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, en classe, pour Anne et dans l'établissement, pour Saïda, je ne sais pas qui veut commencer, Moi, à je veux quoi bien. vous voyez ou vous mesurez la motivation, enfin le processus motivationnel de l'élève? Bah, d'abord, il y a une mesure qui se voit, c'est-à-dire l'élève qui ne vient pas, l'élève qui est là, qui ne travaille pas, l'élève qui fait pas son travail. Mais sinon, moi, depuis ben, que j'ai travaillé avec Fabien, je commence toujours l'année par un questionnaire sur le sentiment d'efficacité personnelle, en reprenant les questions Fabien avait proposées à mes élèves. Et ça nous permet tout de suite d'identifier les élèves qui vont avoir du mal dans le processus motivationnel, tout simplement parce qu'ils considèrent que quoi qu'ils fassent, ça ne changera rien et ils ne sont pas capables, en fait, pour le dire simplement. Et ça ne se voit pas toujours en classe. C'est-à-dire que parfois, on a des surprises quand on fait le questionnaire. On se dit, ah bon, cet élève ne se sent pas compétent dans ma matière. Donc, c'est utile pour nous parce que ça va nous permettre d'agir plus finement et peut-être plus en amont de ce qu'on va quand même percevoir à un moment donné ou à un autre. Parce que quand l'élève nous dit, de toute façon, ça sert à rien, je suis nul, ben voilà, on a une indication précise, en tout cas sur le sentiment d'efficacité personnelle qui peut être un obstacle à son engagement, à sa persévérance dans le travail scolaire. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un outil intéressant qui va permettre ensuite de voir comment on peut agir, parce qu'on n'agit pas de la même manière. Hein, Fabien a bien montré que toute la complexité de la motivation. Et moi, je dois dire qu'au début, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la motivation, c'est après avoir écouté des conférences de Fabien. Au mercredi de Créteil, ça remonte assez loin. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme théorie? Et j'ai essayé de les combiner. Et effectivement, ça ne marche pas toujours. Vaut mieux arrêter ça et prendre les choses sous un angle ou un autre. Donc moi, j'ai choisi quelques théories qui me paraissaient pertinentes pour travailler avec les élèves, parce qu'on peut agir dessus. Et du coup, ben voilà, je travaille sur le sentiment d'efficacité personnelle et je travaille à essayer de restaurer un peu ce sentiment-là, ou en tout cas empêcher qui dégringole trop, au moins au collège. Voilà. Et du coup, ce questionnaire, est-ce que tu peux nous préciser comment tu l'as conçu ou... Ben, en fait, je me suis appuyée sur les questions voilà, élaborées par les chercheurs comme Fabien. Nous, on a gardé 6 questions, je crois, qui sont, par exemple, Fabien, enfin, Ben, quand c'est difficile, est-ce que tu continues jusqu'au bout? Il y a la question aussi du plaisir que tu peux avoir dans l'activité. Est-ce qu'on termine toujours plus? Enfin voilà, toutes sortes de questions qui permettent. Et à la fin, on a une dernière question qui est est-ce que je pense que je suis fort dans. Alors on le fait par matière, hein, parce que le sentiment d'efficacité, par contre, c'est ciblé sur une activité précise. Et donc, bon voilà, nous, on n'est pas des chercheurs. Donc nous, on fait une moyenne simplement, ça nous permet voilà, d'avoir tout de suite des indicateurs fragilité de certains élèves. Et du coup, on essaye pour ces élèves-là de les mettre en réussite. Donc, ça va être, enfin, on viendra peut-être plus tard sur les stratégies. Oui, on va Donc, revenir je après. suis là. Voilà. Et quelle est la réaction des élèves face à ce questionnaire? En général, les élèves n'ont ou pas de questionnaire ou un questionnaire très quelle est ton adresse, que font tes parents? Du coup, est-ce qu'ils remplissent facilement? Est-ce qu'ils se Bah, questionnent? c'est un questionnaire en ligne et puis on leur explique, on fait ça en début d'année, on leur explique que ça nous permet de mieux les connaître pour mieux les accompagner. Donc la seule chose c'est que c'est un peu long parce que là, quand c'est possible, là, cette année c'est ce qu'on fait sur une classe, bah, on le fait dans toutes les matières. Donc ça finit par faire un questionnaire assez long. Et bon, bah, on a décidé de le faire en classe. Parce que sinon, certains élèves ne le faisaient pas quand c'était chez eux. Et puis, ben, souvent, ceux qui ne le font pas, c'est justement pour lesquels il faudrait qu'on sache ce qui se passe. Donc nous, on passe voilà, 20 minutes à faire ça en début d'année. Ils le font, enfin, ils ne rechignent pas du tout à le faire. Ils ne comprennent pas toujours l'intérêt au début, mais enfin, ils ont compris qu'au moins, on s'intéressait à eux, qu'il n'y avait pas de jugement, portait pas de jugement, ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas envie de faire leur devoir. Ça nous, enfin, c'est juste pour information et on le refait en fin d'année. Alors là aussi, c'est pas scientifique, mais nous, ça nous permet de voir s'il y a des choses qui bougent ou bien parfois, quand on voit une dégringolade, bah, ça questionne. Donc ça nous permet de réfléchir à ce qu'on a mis en place pour essayer de soutenir le sentiment d'efficacité personnelle et ce que ça donne. Et à ce moment-là, parfois, on peut faire un petit entretien avec un élève pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue, parce que parfois, en fait, ils ont un regard plus sévère vis-à-vis d'eux-mêmes et qui va pas toujours refléter une diminution de leur sentiment d'efficacité personnelle, mais parfois plus un réajustement. Voilà, enfin, je vais pas développer là-dessus. Mais... Et Saïda, dans l'établissement, quand tu étais CPE, à quoi, parce que du coup, ça a quand même un impact. Vous avez les élèves en premier, vous avez les élèves en Oui. pause, voire les élèves exclus. Et là, justement, d'un point de vue individuel, on mesure justement, comme disait Anne déjà, aux absences de l'élève qui ne vient pas, mais aussi à sa forme de présence dans l'établissement, par les exclusions, par des actes d'incivilité. Et c'est à ça qu'on mesure une démotivation d'un élève et le degré aussi, s'il y a une répétition dans le temps, si c'est récurrent, et aussi l'évolution, le processus, s'il est engagé vers de la motivation. Et justement, je fais le lien à ce qui a été présenté avant par rapport aux différentes formes de motivation. Et dans ces entretiens, quand on reçoit les élèves, soit parce qu'ils sont absents, soit parce qu'ils ont commis des actes d'incivilité, soit pour différentes choses. Notre travail en tant que CPE, en tant que personnel éducatif, est aussi justement de les amener à verbaliser ces formes de motivation, c'est-à-dire les valeurs qui les ont portées pour faire ou ne pas faire, qu'est-ce qui les a motivés à. Et ça me parle beaucoup, ce qui a été dit d'un point de vue théorique, mais pratique, ça prend vraiment tout son sens. Et je m'en rends compte qu'en tant que CPE ou même en tant qu'enseignant, mais peut-être dans d'autres, plus sur les apprentissages, peut-être pour un enseignant, peut-être moins pour un professeur principal, mais en tout cas pour un CPE qui a une vision globale de l'élève, d'amener l'élève à verbaliser son intérêt, les valeurs qu'il porte, les buts aussi, et quels sont ses besoins. Et c'est vrai que dans un entretien, on aborde un peu tout ça et on amène l'élève à réfléchir à sa source de motivation ou de démotivation. Et est-ce que vous avez des élèves, vous, l'équipe vie scolaire, qui venaient sans que ce soit vous qui demandiez des entretiens pour parler que ce soit une évaluation particulière ou un cours ou une Oui. manière d'enseigner, et du coup, voilà, qu'est-ce qui ressortait ou... Ben, oui, tout à fait. Ça peut être pour différentes raisons. Une des raisons complètement liées aux apprentissages, sur une difficulté scolaire, sur aussi, une difficulté aussi personnelle, sociale. Et l'objectif, il est vraiment de ce que je disais au départ, c'est-à-dire de redonner du sens, pourquoi venir à l'école, pourquoi revenir en classe. Le faire revenir en classe en se fixant aussi des objectifs, en l'aidant à se fixer des objectifs qui correspondent aussi à ses besoins. Donc c'est vraiment un travail, c'est à la fois un processus pour l'élève, mais aussi un processus pour les adultes qui accompagnent ces élèves qui sont à différents stades de leur processus motivationnel. Et alors, je reviens sur un élément de la motivation que vous avez parlé un petit peu, et j'ai l'impression en tout cas que c'est ce dont on entend le plus parler, c'est motivation intrinsèque et extrinsèque. Moi, c'est ce que j'ai le plus entendu en formation que je suivais ou que je donnais comme moyen d'aborder la motivation. Est-ce que vous pouvez déjà éclaircir, expliquer ce que c'est motivation intrinsèque, extrinsèque et en quoi ça rentre en jeu dans ce processus et cette dynamique motivationnelle. Alors, je pense que c'est plus une question qui va être pour moi, on va dire. J'aimerais juste revenir avant d'y répondre ce qu'a dit Anne. Je trouve que c'est vraiment important ce qu'elle a dit, effectivement, d'être capable d'appréhender certains phénomènes motivationnels. Et je suis assez heureux d'apprendre que le fruit de notre collaboration a pu donner ce type d'utilisation des outils. Et ça montre encore une fois, c'est une initiative à laquelle était Anne, c'est-à-dire elle m'a demandé de venir, de travailler avec elle, de pouvoir utiliser en fait des dispositifs de recherche pour pouvoir mesurer la motivation des élèves. Et de cette, alors c'est pas facile, on n'a pas forcément abouti à des résultats très fulgurants d'un point de vue recherche parce que c'est très très compliqué en fait de travailler dans le monde scolaire. C'est une complexité folle d'un point de vue administratif, du point de vue des élèves. Alors maintenant, avec plein de questionnaires qui sont de consentement qui sont récupérés. Enfin, il y a tout un processus qui est très complexe. Mais on voit en tout cas que le résultat est extrêmement intéressant. Mais encore faut-il que l'enseignant effectivement soit aussi motivé. Et donc là, je pense que Anne a montré effectivement ce processus motivationnel tout en œuvre dans toute sa complexité. Je crois que c'est un des éléments aussi extrêmement importants. Lorsqu'on parle de motivation dans le monde scolaire, on s'intéresse beaucoup à la motivation des élèves, mais on voit que la motivation des enseignants est aussi importante. Et je pense, et justement, quand on parlait des facteurs contextuels tout à l'heure qui vont agir sur ce processus motivationnel, on voit bien qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte la motivation d'enseignant. La motivation d'enseignant, c'est aussi la motivation des élèves et vice-versa. Donc, du coup, je pense que Anne arrive beaucoup plus facilement à motiver ses élèves, à justement agir sur leur processus motivationnel, de même que je pense que ses élèves agissent sur son propre processus motivationnel. Je pense que c'est réciproque, voyez? Et donc, c'est ça aussi qui est important de mettre en œuvre, c'est ce processus vertueux qui va permettre effectivement de se nourrir l'un de l'autre et pas seulement de dire je vais agir, je vais mettre en place ça et je vais agir sur ce facteur-là. C'est vraiment un processus qui est à prendre en compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise des outils effectivement qui sont issus de la recherche, mais elle se les a appropriés. Et c'est un des moyens justement de casser un peu la complexité de cette motivation. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle a fait des choix, puisque j'ai présenté plein de trucs. Alors, je suis un peu complexe dans la façon de présenter la motivation. J'en suis toujours un peu désolé, mais c'est parce que j'ai du mal. Alors j'essaie de peut-être de plus en plus simple. C'est pour ça que maintenant je parle plutôt de processus. Comme ça m'évite de présenter les 100 000 théories. Hein. Donc je présente le processus en général. Comme ça, on se rend compte tout de suite qu'il y a plein de choses qui rentrent tout de suite là, de en compte. Et effectivement, toutes ne sont pas intéressantes. Donc ça, je le dis maintenant tout de suite. Hein. Il y a des théories qui ne sont pas du tout intéressantes du point de vue des apprentissages scolaires. Puis il y a des théories, et ça, j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'elle a dit, sur lesquelles on peut agir, puis d'autres, on ne peut pas agir, en fait. Hein. Effectivement, quand on prend l'intérêt individuel, vous êtes intéressé par les maths, vous n'êtes pas intéressé par les maths. C'est comme ça, quoi. Il y a des choses qui nous intéressent, d'autres choses qui n'intéressent pas. C'est même pas la peine d'essayer d'agir dessus. C'est pas ça le truc. Par contre, on prend l'intérêt situationnel. On peut effectivement mettre des ingrédients d'intérêt situationnel. Mais c'est pas pour autant qu'il faut croire que l'intérêt situationnel va agir sur l'intérêt individuel. C'est deux concepts différents. C'est parce que vous avez créé une situation intéressante, par exemple une situation ludique, que ça va se transformer en intérêt individuel. C'est effectivement l'intérêt dans les deux cas, mais ça ne parle pas du même endroit. Donc, du coup, ça n'a pas les mêmes effets, quoi. Donc, ça, c'est là où c'est intéressant, justement, de comprendre certains types de motivation, certaines formes de motivation dans le monde scolaire, surtout du point de vue des enseignants, pour comprendre justement jusqu'où ils peuvent agir, jusqu'où ils ne peuvent pas agir. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail qui n'a pas été vraiment bien fait à l'heure actuelle. Je trouve on n'a pas fait ce travail de dire, bah voilà, là-dessus, on peut y aller, là-dessus, bah, effectivement, c'est compliqué pour l'instant, on ne peut pas vraiment y aller. Ça, je crois que c'est. Et Anne l'a fait, donc c'est intéressant, je pense, de discuter avec elle et puis d'échanger sur les éléments sur lesquels on peut agir. Et sur ce deuxième point, c'est la mise de disposition de nos mesures, justement sur les éléments sur lesquels on peut agir, puisque comme c'est un phénomène complexe, que nous, on mette à disposition les mesures. Alors, évidemment, c'est des mesures de psychologue, on est d'accord, mais comme Diane, elle s'est les appropriées, elle les a transformées, elle en a fait quelque chose qu'elle peut vraiment utiliser, et je pense que ça serait vraiment quelque chose d'important à mettre à disposition, justement, mettre à disposition nos mesures des phénomènes motivationnels, de façon à ce que les enseignants aient une meilleure lecture, en fait, de la motivation des élèves qu'ils ont en face d'eux, parce que là, on a commencé à appréhender le processus motivationnel, on s'est rendu compte de la complexité, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tout à appréhender parce que c'était trop complexe, mais n'empêche qu'il y a certains points qui sont importants. Et ce qu'a mis en évidence Anne, c'est qu'il y a un des points qui est important, qui n'est même fait même pas partie de la motivation lorsqu'on l'appréhende comme ça, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la perception de compétence, en fait. Et on se rend compte que dans ce processus motivationnel, du coup, le fait de parler de sentiment d'efficacité personnelle dans le cadre d'un processus, ça prend tout son sens parce qu'on parle bien de motivation, en fait. Mais dans un cadre processuel, le fait d'appréhender le sentiment d'efficacité personnelle, c'est essentiel pour parler de motivation. Et c'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez constant dans toutes les théories qui sont liées avec l'apprentissage. Si à un moment donné, vous altérez cette perception de compétence, vous n'avez plus de processus, en fait, qui peut s'enclencher. Vous n'avez plus de processus qui peut persister non plus, quoi. Donc, effectivement, c'est un ingrédient. Voilà, on parlait des éléments sur lesquels on peut agir, sur lesquels on ne peut pas agir. Celui-là, on peut agir. Non seulement on peut agir dessus, mais en plus, c'est presque une chance pour nous. C'est un élément qui est central dans la motivation. On peut agir dessus, on peut le contrôler, et c'est un élément central. Allons-y. Donc, c'est pour ça que je pense qu'Anne l'a pris, elle le mesure, et effectivement, on se dit, bah, si je m'aperçois qu'on a une dégringolade trop sèche, trop forte du sentiment d'efficacité personnelle à un moment donné, ou si je m'aperçois que je parle d'un tel niveau, bah, faut pas que je m'adresse à l'élève de la même façon que lui qui parle d'un autre niveau, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'elle procède. Ça lui permet justement de savoir, d'ajuster son comportement, justement pour faire attention à un élève qui parle d'un niveau très bas au niveau sentiment d'efficacité personnelle, ou se dire, bah, celui-là, il parle d'un niveau assez élevé, je peux y aller, quoi. Enfin, je pense que je peux lui donner des feedbacks de tel type. Ça va effectivement pas être trop dommageable, quoi. Voilà, donc je voulais juste reparler de ça parce que je trouvais que c'était assez important à recadrer au centre du débat, les choses sur lesquelles on peut agir, les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et l'ensemble des éléments, la complexité, qui n'est pas si énorme que ça quand on y regarde. Je pense qu'il n'y a quand même pas tant de concepts motivationnels qu'il faut appréhender. Je pense que ça a aidé à parler de la valeur, effectivement, c'est un élément aussi important, c'est quelque chose sur lequel effectivement on peut agir. Alors, déjà en prendre connaissance, et puis effectivement, c'est là où on va rentrer un peu plus en métacognition. Je pense que la démarche qu'elle a, c'est vraiment une démarche métacognitive, de faire réfléchir en fait sur ses propres valeurs, de faire réfléchir sur les raisons qui nous font faire les choses. C'est une autre forme d'appréhender, une autre façon d'appréhender le processus motivationnel, c'est les raisons qui nous font faire les choses. Et effectivement, et on se rend bien compte qu'en fonction de la façon dont on fait émerger ce processus au niveau des raisons, on n'a pas du tout la même dynamique qui va se créer derrière, quoi. Voilà, donc je vais juste revenir sur ces éléments-là, et puis maintenant je vais effectivement parler de différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est une théorie qui a un gros avantage, c'est que c'est une théorie qui est quasiment tout terrain. C'est une théorie qu'on peut à la fois utiliser dans le monde scolaire, mais que vous allez avoir aussi dans le monde du travail ou dans tous les environnements. Donc, c'est une des grandes forces de cette théorie par rapport à d'autres théories qui vont plutôt très locales. C'est une théorie qui est vraiment tout terrain. Donc, c'est une théorie qui ne va pas vous expliquer un motif en particulier, mais plutôt un ensemble de motifs. Ça vous permet de catégoriser en fait un ensemble de motifs. C'est ça sa force, en fait. C'est-à-dire que ça vous permet de dire que l'individu qui dit ça, ou qui dit ça, ou qui dit ça, finalement, ça renvoie à un ensemble de motifs qui a bien été identifié dans le cas des motivations intrinsèques et extrinsèques. Alors, initialement, si j'ai 2 secondes, je suis désolé, je vais peut-être prendre un petit peu de temps, parce que c'est vrai que c'est une théorie qui est très intéressante, mais qui est, qui, je pense qu'il mérite d'être décortiquée un petit peu plus finement. Si on regarde les choses initialement, initialement, effectivement, c'est une théorie qui parlait de motivation intrinsèque et extrinsèque, mais maintenant, ce n'est plus le cœur du problème, en fait. On ne parle plus de motivation intrinsèque et extrinsèque, vraiment. Le cœur du problème, c'est les motivations contrôlantes et les motivations autodéterminées. C'est plus ça, en fait. Pourquoi? Parce que motivation intrinsèque et extrinsèque, ça renvoie d'une part, motivation extrinsèque, c'est des éléments, finalement, qui ne sont pas de moi. Voilà, on va dire, qui vont faire que je suis motivé, c'est des éléments de l'environnement, mais c'est des éléments finalement qui vont faire que bah, je considère que c'est pas moi qui fais les choses. Et motivation intrinsèque, c'est je le fais par plaisir, je le fais par intérêt, je le fais, voilà. Donc c'est globalement, c'est une confrontation, initialement c'est plutôt ça, une confrontation entre les contraintes qui me font faire les choses et le plaisir que j'ai à faire les choses. Et ça reste ça à l'heure actuelle, hein. C'est des formes d'éléments qui ne sont pas liés au plaisir d'un côté, des éléments qui sont liés au plaisir. Et ça tombe bien puisque finalement, dans les neurosciences à l'heure actuelle, on s'est rendu compte que le processus, enfin, pas le processus, alors c'est aussi un processus, mais c'est un processus neurologique. D'un point de vue neurologique, ce qui explique le mieux la motivation, c'est effectivement tout ce qui est lié au plaisir. C'est ce qu'on appelle les mécanismes hédoniques, en fait, d'un point de vue neurologique, qui est lié au mécanisme dopaminergique. Donc ça va très bien avec ce distinguo-là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on reprend toujours motivation intrinsèque et extrinsèque. Sauf qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du développement de la théorie depuis les années 70, c'est une théorie qui date des années 70 en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est est-ce que c'est moi qui fais les choses ou est-ce que c'est pas moi qui fais les choses? Ce qui n'est pas exactement la même chose que ce que je viens de dire. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose en fait. Parce que effectivement, si je suis intéressé, c'est moi qui fais les choses. Mais si je ne suis pas intéressé, ce n'est pas forcément pas moi qui fais les choses quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, en fait, où est l'évolution théorique entre les années 70 et maintenant. C'est que la motivation intrinsèque, effectivement, c'est forcément moi qui fais les choses. Mais si vous rappelez bien ce que j'ai dit sur l'intérêt, c'est une motivation intrinsèque, mais finalement, vous en avez deux formes. Vous avez une forme qui est effectivement individuelle, une forme qui est situationnelle. Donc, effectivement, dans les deux cas, ça, on pourrait dire c'est la motivation intrinsèque. OK, ça serait la motivation intrinsèque. Mais on voit bien qu'il y en a une, on ne peut rien faire. La motivation interindividuelle, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'intérêt situationnel, oui. Mais pour autant, ça ne va pas créer de la motivation individuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas créer un motif intrinsèque pour autant, puisque vous serez que sur une situation. Donc, c'est assez frustrant. En fait, la marge de manœuvre que l'on a, justement, on parlait des motifs sur lesquels que l'on pouvait contrôler, d'autres qu'on pouvait moins contrôler. La marge de manœuvre qu'on a, justement, c'est plutôt sur la motivation extrinsèque. Et c'est pour ça qu'on va parler de motivation contrôlante et de motivation autonome. Parce que autant la motivation intrinsèque est que autonome, autant la motivation extrinsèque peut être contrôlante et autonome. Et c'est là où ça devient très intéressant. Donc la question, en fait, finalement, dans les apprentissages, mais dans la plupart des activités de notre vie, il n'y a pas que de l'apprentissage scolaire. C'est pour ça que c'est une théorie qui est très générale, et c'est pour ça que c'est une théorie qui est extrêmement utilisée à l'heure actuelle, qui est très connue. Après, le problème, c'est qu'on a tendance, du coup, à réduire la motivation à ce distinguo-là, ce qui est un peu dommage pour moi. Mais bon, au moins, c'est une première porte, et c'est déjà une première porte qui est extrêmement importante, parce qu'elle est vraie, elle est consensuelle, quoi. On est tous à peu près d'accord là-dessus sur les théoriciens de la motivation, quoi. Donc, vous avez effectivement une motivation extrinsèque qui est à la fois contrôlante et autonome. Pourquoi? Bah parce que, effectivement, si je ne fais pas les choses par plaisir, pourquoi est-ce que je fais les choses? Soit je fais les choses parce qu'on m'a obligé à les faire. Okay? Donc, ça, c'est la motivation contrôlante. Je fais les choses parce que tu es noté. Je fais les choses parce que je te donne une récompense. Je fais les choses parce que je te donne une punition. Ça, c'est la motivation contrôlante. Et effectivement, si vous utilisez cette forme de motivation, ce n'est pas l'individu. C'est vous avez un contrôle complètement externe de l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de motivation contrôlante. Mais il y a aussi une motivation où je ne fais pas les choses par plaisir, donc ce n'est pas la motivation intrinsèque, mais c'est quand même moi qui fais les choses. Et c'est là où on va revenir à cette notion de valeur qui est si importante à Saïda, et elle a tout à fait raison. Qu'est-ce qui fait que je fais les choses de moi-même, mais si je ne les fais pas par plaisir? Bah parce que ça fait partie de mes valeurs, justement. Parce que j'ai repéré que c'était important de le faire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans le monde scolaire? C'est que le plaisir, il est souvent plus trop là, faut le dire quand même, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de plaisir pour les apprentissages, mais justement, du coup, ce qu'il faut faire en sorte, c'est développer ces motivations autonomes extrinsèques. Motivations autonomes extrinsèques qui sont, j'ai repéré que c'était important pour moi, pour mon avenir, par exemple. Les meilleurs élèves, on sait très bien qu'ils ont bien compris que s'ils bossaient bien l'école, c'était pour leur avenir. OK. Mais c'est les meilleurs élèves. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'eux qui sont motivations extrinsèques autonomes? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de faire en sorte de faire basculer ceux qui sont motivation extrinsèque contrôlante à les faire basculer en motivation extrinsèque autonome. Donc, on se rend bien compte que ce distinguo motivation intrinsèque extrinsèque n'est pas bon, en fait, n'est pas bon créneau. C'est vraiment le distinguo motivation autonome, motivation contrôlante. Et c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre à l'heure actuelle. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour faire basculer, quels sont les facteurs, quels sont les éléments que je vais mettre en place pour faire en sorte que même si effectivement je ne fais pas les choses par intérêt, je fais quand même pour moi. Qu'est-ce qui va faire que je les fais quand même pour moi? C'est ça le plus important. Et c'est là où finalement les différents éléments, et c'est là où les apports théoriques de la théorie de l'autodétermination sont extrêmement importants à prendre en compte, c'est quels sont les ingrédients que je dois mettre dans la situation pour faire en sorte que ça vienne de moi. Parce que, et c'est là des principaux résultats de ce cadre théorique, c'est qu'on s'est rendu compte que si vous mettiez dans l'environnement trop d'ingrédients contrôlants, ça va pas créer pour autant, vous n'allez pas amener les individus vers de la motivation autonome. Au contraire, c'est même le contraire qui va se produire. C'est-à-dire que plus vous cherchez à contrôler l'individu, plus vous allez y mettre de punitions, plus vous allez y mettre de récompenses aussi. Il ne faut pas oublier, hein, la récompense, c'est vous contrôler le comportement. Il faut faire attention à ça. Donc plus vous allez mettre de récompenses sur les punitions, moins vous allez le rendre autonome. Donc il faut créer des environnements où justement vous diminuez au maximum les motivations contrôlantes, de façon à donner une chance aux motivations autonomes. Et c'est là, je rejoins ce que disait à un moment donné, on peut pas faire en sorte que l'individu soit motivé de lui-même, en fait. Vous ne pouvez pas forcer l'individu à être motivé de lui-même. Vous pouvez contrôler son comportement. Donc, on a des motivations, on a des motifs dits contrôlants qui peuvent être mis en place, mais c'est au détriment des motifs autonomes, en fait. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de motifs contrôlants dans l'environnement, moins vous favoriserez l'émergence des motifs autonomes. Et on pourrait même presque se dire que une des principaux, à mon avis, hein, si je vous donne le fond de ma pensée, un des principaux enjeux en fait des apprentissages, c'est de faire en sorte que l'individu devienne autonome dans ses apprentissages. Pour moi, hein. Donc du coup, de faire de ça, de faire cet objectif-là, de rendre l'individu autonome, suppose que l'on configure l'environnement scolaire d'une façon complètement différente de cette configuration actuelle, parce que la configuration de l'environnement scolaire actuel est complètement centrée sur les motivations, non pas extrinsèques, mais contrôlantes. Et justement, je voulais compléter, je me permets, c'est Saïda, ce que je ouais. disais au départ, oui, c'était on revient en fait à la question de donner du sens en fait. Plus on prendra de temps pour donner du sens au pourquoi, plus on amènera effectivement les élèves à choisir en fait et à décider par eux-mêmes parce qu'ils auront saisi le sens de ce qui se fait. Et je voulais revenir aussi sur l'environnement extérieur, effectivement, qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a aussi une donnée, quand on est sur le terrain, surtout en tant que CPE ou même les chefs d'établissement, on reçoit beaucoup les familles. Et on a un travail aussi, justement, pour jouer sur l'environnement, d'aider les familles à motiver leurs enfants, en fait. Et ça, je trouve que c'est une donnée qui est très importante et qui peut nous aider aussi, nous, de l'intérieur, à engager l'élève dans ce processus de motivation. Et je pense que c'est une donnée, que ce soit les parents, que ce soit l'environnement, quand on travaille avec des collectivités, avec les associations, c'est aussi en fait, cette responsabilité partagée dont tu parlais, Anne, tout à l'heure, qui est aussi avec les familles et l'extérieur. Et je pense que ça aussi, ça aide et ça peut aider l'élève. Donc, c'était pour revenir sur le fait d'être de toutes ces contraintes extérieures qui peuvent empêcher le processus de motivation, mais sur lesquelles aussi on peut s'appuyer. Est-ce que tu veux donner un exemple ou enfin, explicitation pardon, de ce que tu faisais, soit avec une asso, soit avec les Bah, parents? ça peut être quand on reçoit un parent et quand on perçoit aussi, quand on reçoit un parent, exactement ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce sont les élèves. Les meilleurs élèves qui arrivent à être motivés et à donner du sens à l'école. Et retravailler justement avec la famille le sens de l'école. Et quelque part, de manière un peu. Là, on est sur des valeurs, mais enfin, de dire aussi aux parents de croire en fait en la capacité d'évolution et de changer son regard sur son enfant. Et c'est aussi la motivation, elle est aussi liée au regard qu'on porte. Le regard porté, que ce soit le regard des enseignants, le regard des parents, le regard des adultes. Et en entretien, c'est un vrai travail en fait d'accompagnement des parents là-dessus, D'accord, merci. d'un point de vue individuel. Et Anne? Oui, je voulais rebondir aussi sur voilà ce que disait Fabien par rapport à toutes ces motivations. Effectivement, l'école, c'est quand même principalement un facteur, enfin un espace de contrainte pour l'élève. Et du coup, enfin Fabien me corrigera si je dis des erreurs, mais moi j'essaye de travailler beaucoup sur le sentiment d'autodétermination, c'est-à-dire pas forcément que l'élève fasse ce qu'il veut et le décide par lui-même, mais qu'il ait cette impression d'avoir du choix, d'avoir décidé. Et finalement, là-dessus, il y a des choses très simples qu'on peut faire en tant qu'enseignant, en proposant régulièrement du choix aux élèves, qui est un choix qui entre deux choses qui n'ont pas forcément d'importance pour nous, ou bien qui correspondent au programme, hein, mais qui vont permettre à l'élève de sentir que dans cet espace de contrainte, eh bien, il a du choix. Et du coup, ça peut paraître un petit peu simplet, mais en réalité, c'est très efficace. Et les élèves se sentent beaucoup mieux et du coup s'engagent plus facilement. Alors, ça suffit pas, hein, mais je voulais le dire parce que c'est des choses simples à faire. Quand on dit à l'élève, tu peux faire comme ci ou comme ça, c'est toi qui choisis. Ou on demande l'avis des élèves, on en tient compte dans notre façon de travailler. Ou on leur demande s'ils veulent commencer par tel ou tel sujet. Ou simplement, moi, je vois en histoire, je leur fais faire des biographies, par exemple, sur un personnage historique, ben, je leur laisse le choix. Et le fait qu'ils puissent choisir, ça change vraiment beaucoup de choses parce qu'on travaille sur ce que, voilà, ce qu'évoquait Fabien, la partie autonome, en fait. On a l'impression qu'on décide par soi-même. D'autre part, c'est aussi pour revenir sur ce que disait Fabien, dans les remarques, par exemple, quand on fait des feedbacks qui peuvent être positifs aussi, hein, en disant bravo, félicitations, oh, je suis très fière de ton travail. Ben, si on renverse ça et qu'on dit à l'élève, tu peux être fière de ton travail, ben là, on va aller rechercher des sources de motivation intrinsèques. Où l'élève sera pas dépendant, mais ira vers plus d'autonomie. Et puis aussi, ce que je voulais dire, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment mettre l'élève en réussite et lui faire prendre conscience des progrès qu'il a fait, de la réussite dans laquelle il se trouve. Et pour ça, travailler avec les compétences, c'est plus simple que la note. Et ça va permettre de leur envoyer justement une sorte de plaisir, de la dopamine, dont on a bien parlé tout à l'heure. Le fait de réussir, en fait, c'est ça qui va motiver l'élève. Donc, moi, je me fixe ça comme objectif. Et je pense que sans aller dans forcément la complexité des sources motivationnelles, c'est tous les enseignants s'efforcer de faire réussir les élèves et de leur permettre de mesurer leur réussite, parce que parfois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas vraiment réussi, que ça vient finalement, c'était facile, ils ont eu de la chance, mais vraiment qu'ils intègrent cette idée que s'ils ont réussi, c'est grâce à leurs efforts, ben là, on avance. Voilà. On le voit parce que parfois les élèves me disent merci quand ils ont réussi. Et je trouve ça, je leur dis, mais en fait, non, c'est pas moi, c'est toi. Et donc, c'est vrai que ils ont beaucoup de mal à ça. Avant qu'on se penche encore plus sur ce qu'on peut mettre en place, que vous avez mis en place, Fabien, à un moment donné, en parlait de certains motifs sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, quelles seraient les limites, pas pour avoir un côté négatif, entre guillemets, mais justement savoir sur quoi se concentrer. Donc, quelles sont les limites de la motivation? Sur quoi est-ce qu'on ne peut pas agir? Tu en as parlé un peu, Fabien, mais je ne sais pas si Saïda, Anne, Fabien, vous souhaitez intervenir. Les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, effectivement, c'est des situations familiales, voilà, qui peuvent être qui empêchent l'élève de sortir de ça, ou social, ça peut être ça par rapport à son histoire de vie, mais ça peut être aussi des difficultés scolaires qui sont depuis tellement longtemps que justement on est sur le sentiment d'efficacité personnelle où l'élève se dit que a perdu toute motivation depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, mais c'est aussi les limites effectivement de ce processus de motivation, mais aussi est-ce que finalement on peut pas se poser la question, se dire est-ce qu'on peut pas accepter que là on peut pas agir, mais que le processus est en marche sans qu'il prenne forme tout de suite. Et on le voit avec des élèves qui, l'année suivante, ont évolué, ont changé, reviennent nous voir, où il s'est passé quelque chose, mais sans que ce soit forcément dans l'instant où nous, on l'attend. C'est aussi la question avec du recul que je me suis posée à plusieurs reprises. Ouais, si je peux rebondir justement sur ce que dit Saïda, je pense que c'est un élément qui est extrêmement central lorsqu'on parle de motivation. C'est que et, qui est aussi central lorsqu'on parle de l'effet de la motivation, de comment est-ce qu'on peut mesurer la motivation. C'est-à-dire qu'on prend souvent l'effet de la motivation comme étant lié à la performance. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai que la motivation agit sur la performance, c'est évident. Maintenant, la motivation n'agit pas toujours sur la performance, elle agit sur d'autres phénomènes. Elle va agir sur le bien-être, elle va agir sur la participation, elle va agir sur plein de choses. Et surtout, il faut savoir qu'il y a un retour, une sorte de feedback sur les effets de la motivation par rapport à ce que j'ai, les efforts que j'ai consentis. C'est-à-dire que je fais des efforts, j'ai pas de résultat, c'est un feedback. Vous voyez, c'est ça, il y a un retour, il y a un retour. Donc du coup, ce que je fais, les efforts que je fais n'ont pas d'effet. Et c'est justement un des éléments qui sont les plus centraux et les plus délétères en fait en termes motivationnels. C'est-à-dire que le fait de faire des efforts et de ne pas avoir les effets de ces efforts est presque plus important que le fait de d'être motivé ou pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand un élève fait quelque chose, travaille et tout ça, il s'attend en fait à produire un résultat, il s'attend à avoir quelque chose qui se passe. Et si effectivement il a travaillé ou qu'il n'a pas travaillé, il a toujours les mêmes évaluations, il a la même performance, vous allez effectivement conduire l'individu à avoir des raisonnements, justement on parlait de la métacognition tout à l'heure, avoir des raisonnements de type, bah, globalement, ça ne sert à rien que je travaille. Parce que finalement, que je travaille ou que je travaille pas, ça donne le même résultat. Donc c'est là le risque que vous allez enclencher en fait au niveau de la performance, c'est-à-dire que si on focus trop sur la performance scolaire, effectivement, on va créer des individus qui effectivement, bah, ils travaillent, ils performent, ça sera toujours les mêmes, et ils travaillent pas, ils performent pas, ça sera toujours les mêmes aussi. Donc vous allez finalement créer une sorte de statu quo. Sans vous en rendre compte, qui font que bah il n'y a plus rien qui va bouger au bout d'un moment, quoi. Donc c'est effectivement ce que dit, j'entends bien ce que dit Anne sur le niveau de travailler sur les compétences, hein, c'est qu'effectivement vous allez pouvoir beaucoup plus fort. Mais derrière il y a plutôt le processus derrière cette notion de compétence qui est là. Donc je pense que le fait de travailler en compétence, ce qui est plus important de comprendre, c'est le processus derrière que le fait de travailler sur compétence, parce que finalement qui travaille sur les compétences comme il travaille sur les notes. Donc, ça va, vous arrivez au même résultat, c'est-à-dire qu'ils vont collectionner les compétences, ça va faire un certain nombre de points, et puis voilà, j'ai bien travaillé ou j'ai pas bien travaillé, paf. C'est beaucoup plus important de faire sortir qu'effectivement, vous avez progressé, même si ça ne se voit pas en termes de performance. Donc, ça veut dire qu'il faut aller sur des formes d'appréhension de la compétence qui sont beaucoup plus fins. Et c'est là, effectivement, si on ne part pas du même niveau, je pense que c'est ça a plutôt résonné ce que méthodologique met en place Anne. C'est-à-dire que Anne, je pense, quand elle s'aperçoit qu'un élève parle d'un sentiment d'efficacité personnelle qui est faible, donc qui se traduit généralement par une performance faible, hein, puisque les deux sont extrêmement liés. Donc, du coup, bah, cet élève-là, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il performe, qu'il ait une performance qui soit extrêmement forte tout de suite. Mais par contre, il y a d'autres éléments que l'on peut repérer, et c'est là où je pense que c'est une remarque très intéressante, de dire tu as bien réussi ou tu peux te sentir fier de ta réussite. C'est là où justement on va travailler sur des éléments qui vont permettre de faire à l'élève que, effectivement, par exemple, il avait, je ne sais pas si on prend l'orthographe, il avait 40 fautes, bah là il n'en a plus que 38. Vous voyez, ces petits écarts-là, ça fait toujours zéro, si je puis dire, en termes de performance. Mais n'empêche qu'on est passé de 40 à 38. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire il y a une traduction de l'effort qu'il a fait, qui effectivement montre qu'il a progressé. Et donc, même pas parler de 38 ou 40 fautes, justement, de parler souvent juste de cette progression-là. Donc, d'essayer de capter les différents éléments de progression dans les apprentissages, parce que c'est extrêmement important par rapport aux efforts qui sont consentis par l'individu. C'est-à-dire que les efforts qui sont consentis par l'individu, c'est pas rien. C'est extrêmement important. Si l'individu, si l'élève fait des efforts et que l'enseignant et que les performances ou que les indicateurs qui sont derrière ne renvoient pas quoi que, enfin, cette notion d'effort consenti, bah, globalement, on ne fait plus d'effort au bout d'un moment. Et surtout si on n'a effectivement pas ce processus-là qui est enclenché depuis le début, quoi. Donc c'est là où on va avoir effectivement ce que disait Salida, des élèves qui sont enterrés depuis très longtemps ou qui font des efforts, qui font des efforts, ça donne strictement le même résultat. Donc eux, c'est fini. Et effectivement, comme je pense comme ce qu'elle perçoit, c'est qu'il y a des moments où ils essayent de s'y remettre. Effectivement, on voit bien qu'il y a des moments qu'ils essayent de réenclencher la machine. Mais si effectivement ça donne toujours les mêmes résultats, ça peut... ils ont beau faire des efforts, ils ont beau se dire à un moment donné, ça y est, ils ont trouvé un motif. Ok, ils ont compris qu'effectivement c'était important pour leur avenir. Ils ont compris que si jamais effectivement ils apprennent pas à lire, globalement ils se ferment des portes immenses dans les perspectives qui se dressent devant eux, quoi. Donc effectivement à ce moment-là ils ont un sens, donc ils ont un motif. Mais le processus motivationnel n'est pas enclenché. Pour que le processus motivationnel s'enclenche, il faut effectivement qu'il y ait des retours dans l'environnement qui lui permettent en fait de phosphorer. Si les retours dans l'environnement ne lui permettent pas de phosphorer, ça ne fera pas. Et c'est ça le plus important en fait à ce moment-là, c'est qu'il faut mettre en conjonction finalement, il faut que les étoiles s'alignent quelque part, il faut que les efforts effectivement soient là, il faut que les élèves effectivement mettent les choses, mais il faut qu'en face, il y ait effectivement ce processus qui donne quand même quelques éléments perceptibles, ah, pas forcément des performances, mais des éléments perceptibles qui se disent effectivement je suis en train de progresser. Je pense que ces élèves-là, au tout début du processus, ils s'attendent pas à des miracles. Ça sert à rien d'en faire des caisses et des caisses. Oh ouais, super, bravo, quoi. Non, ça sert à rien. Vous contrôlez le comportement quand vous faites ça. Faut pas faire ça. Faut au contraire dire, ah, cet élément-là, effectivement, là, tu as progressé. Bon, cet élément-là, ce n'est pas encore là tout de suite. Mais ça peut venir dans la suite. Mais en tout cas, cet élément-là, là, et tu peux être fier de toi, comme le dit Anne. Mais C'est après, très ça pose. intéressant. Pardon, Pardon. vas-y. Vas-y, vas-y. Je voulais compléter, ça pose la question comment notre institution prend en compte ça, en fait? Prend en compte cette évolution qui est en cours, qui finalement ne se matérialise pas tout de suite par des bonnes notes ou par voilà, une évolution du comportement. C'est aussi notre difficulté. Comment nous, sur un bulletin scolaire, en conseil de classe, porter aussi la parole de l'élève en disant voilà, il est dans une phase où il fait des efforts, mais ça ne se voit pas de suite. C'est une question voilà, ouverte, voilà, et ça pose question du calendrier scolaire et du processus dans lequel est le jeune en fait. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint notre dernier épisode où on parlait de la modification des conseils de classe, justement, et du côté évaluatif. Et c'était avec Stéphane Bény et l'Académie Créteil, l'Académie de Versailles. Stéphane Bény soulignait le fait que, en fait, les élèves ne vont pas s'investir s'ils ne voient pas que l'enseignant est capable de les voir autrement. Et ce que tu disais, Fabien, c'est ça, c'est peu importe la note qui suit ou pas, c'est la possibilité de se dire, bah, il va me voir comme capable de progresser. Et du coup, bah voilà, je vous propose qu'on aille justement plus sur ce que vous avez mis en place ou ce qu'on peut mettre en place du point de vue de la recherche. Je sais qu'Anne, tu as pas mal travaillé sur l'évaluation justement pour être dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Donc comment est-ce qu'on impulse et qu'on maintient le processus motivationnel en classe, peut-être d'abord à partir de l'évaluation et d'autres éléments? En fait, bah, là aussi, c'est tout un ensemble. Moi, je vais développer des outils, mais je pense que le plus important, c'est la façon dont l'enseignant perçoit les choses et perçoit l'élève et la relation qu'il va créer avec lui. Et ça découle de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si l'enseignant, il a compris à peu près le processus motivationnel, eh bien, il va accompagner l'élève et il va porter finalement son attention sur des éléments qui vont soutenir la motivation. Et il y a besoin de cet état d'esprit avant tout. Donc, et je dirais aussi, le climat de classe est important. Parce que, comme on disait, on a des élèves qui sont en difficulté des fois depuis longtemps. Si on veut leur permettre de s'engager, d'oser prendre la parole pour peut-être dire une erreur, il faut qu'autour, il n'y ait pas de moquerie. Qui reste un élève respecté, pas considéré comme un mauvais élève. Donc il y a tout un travail à faire aussi dans le climat de classe pour que les élèves osent s'engager et puis osent faire des erreurs. Alors ça peut commencer par le fait de considérer l'erreur comme un objet d'apprentissage et d'aller chercher les erreurs et dire bah, voilà quelle erreur on pourrait faire à ce moment-là et en quoi c'est intéressant et en quoi ça nous permet d'apprendre. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, je focalise un peu sur les évaluations parce que effectivement c'est le moment où l'élève il considère en général l'évaluation comme importante sauf quand il considère que là de toute façon il pourra jamais réussir. Donc là il arrête complètement, mais si j'exclus ce cas-là, pour lui, ça a de la valeur, l'évaluation. Et il va faire des efforts qui ne seront pas forcément vus. Donc, comment on fait pour que ces évaluations soient des moments où l'élève va suivre ses efforts, continuer à s'engager, alors que peut-être le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes et de ses efforts. Donc déjà, moi je prends un temps, je prends un temps. Il y a un espace sur les feuilles de mes évaluations où l'élève va exprimer son ressenti au début de l'évaluation et à la fin. Et ça, c'est intéressant parce que d'abord, déjà pour l'enseignant, de se rendre compte à quel point l'évaluation peut être facteur de stress et pas forcément un stress positif. Moi, je suis toujours surprise en début d'année quand je dis aux élèves que je ne les note pas, qu'ils peuvent refaire l'évaluation, que je suis bienveillante et je vois 80% de mes élèves qui me disent j'ai peur. Des fois, c'est même je suis terrorisée. Enfin, c'est impressionnant. Donc, déjà prendre ça en compte. Et puis, pour l'élève, à la fin de l'évaluation, je lui demande aussi de dire comment il se sent, est-ce qu'il pense avoir réussi, quelles ont été ses difficultés. Et du coup, mon feedback va être en lien avec ce qu'il a écrit. Donc, j'ai souvent des élèves en début qui me disent, de toute façon, je sais que je vais être nulle pour cette évaluation, qui à la fin continuent à me dire, j'ai été nulle, mais moi, comme j'ai mis plusieurs compétences, je peux montrer qu'à certains endroits, ben, la compétence, soit elle est en cours d'acquisition, soit elle est acquise, que du coup, son évaluation, son auto-évaluation n'était pas correcte. Et qu'il a réussi des choses. Et je l'encourage à poursuivre ses efforts, ou je lui demande comment il a travaillé pour se préparer de manière à lui donner une meilleure stratégie. Donc ça va donner de la confiance aux élèves, et ça leur permet aussi de se rendre compte que finalement ils ont peur au début, mais que souvent cette peur est disproportionnée parce qu'ils réussissent à faire des choses. Et au cours de l'année, je me rends compte qu'il y a une évolution, ils appréhendent plus de la même manière les évaluations, du coup ils sont moins en stress. Du coup, parfois, ben, leur cerveau, il est plus disponible pour réussir. Donc, ça fonctionne mieux et il y a un processus positif qui s'engage. Donc, ça, c'est une première chose. Et je me sers aussi d'un outil que je trouve hyper facile et à mettre en place et intéressant. C'est Daniel Pfaff qui a formalisé la courbe de l'apprentissage. Et cette courbe, elle montre que on passe par toujours les mêmes étapes quand on apprend. Et que la première étape, c'est la prise de conscience qu'on ne sait pas. Et que cette prise de conscience qu'on ne sait pas, elle est désagréable. Donc, on passe par une émotion désagréable. Et qu'après, si on continue les efforts, ben, on va arriver à un moment où on va être au contraire dans une émotion agréable. Parce que là, on a une prise de conscience qu'on sait. Donc, j'explique ce processus aux élèves qui parfois sont étonnés parce qu'ils ont une représentation eux aussi de l'apprentissage. Il y a ceux qui sont intelligents, ils savent tout de suite. Et puis, il y a les autres qui ne savent jamais. Donc là, on leur montre que c'est aussi une évolution dans le temps et que tout le monde n'en est pas au même moment, à la même étape, mais que tout le monde va suivre ce chemin à condition de trouver les bonnes stratégies et de poursuivre les efforts. Et je leur demande de se situer sur cette courbe pour les activités que je leur propose en classe, ce qui permet pour eux de se dire, je ne suis pas figée dans cette incompétence. Mais j'en suis là. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, que ma compétence n'est pas validée, mais on va, dans le cours de l'année, ben, travailler pour atteindre cet objectif. Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant parce que je vois que ça a l'effet sur les élèves. Alors, faut l'utiliser fréquemment, faut le rappeler. Faut aussi dire quand on commence une nouvelle leçon, bon, ben là, on va passer un moment désagréable parce que vous n'allez pas savoir. Mais c'est normal. Alors, s'il y en a un à ce moment-là qui dit non, mais c'est bon, c'est facile, je lui dis, bah, si c'est facile pour toi, c'est que tu sais déjà, donc tu vas rien apprendre, de manière à relativiser, à permettre que tout le monde se sente prêt à s'engager dans ses études. Voilà ce que je peux dire pour quelques outils que je m'en. Et alors dans l'établissement Saïda ou dans les établissements que tu as enfin, suivi par rapport à ton poste de coordinatrice lutte contre le décrochage scolaire, qu'est-ce que tu as vu qui était mis en place ou qu'est-ce que tu as mis en place pour la En motivation des fait, élèves? au niveau de la vie scolaire en général, on agit à deux niveaux, au niveau individuel et collectif. Donc, au niveau individuel, donc sur de l'accompagnement avec de la mise en place de tutorat, même un accompagnement entre pairs qui aussi joue un rôle de, pas de modèle, mais en fait de se rendre compte que c'est possible. Et ça a un rôle important sur la motivation. Donc, toutes ces petites actions, ces suivis au long cours de manière individuelle, portent aussi leurs fruits. Et ce qui est important et qui s'est beaucoup développé, notamment avec tout ce qu'il y a autour de la persévérance scolaire, sont des actions collectives et aussi au niveau de l'accompagnement en orientation. Le fait de faire venir des anciens élèves, des anciens professionnels qui ont eu des parcours moins linéaires, permet aussi justement de retravailler aux jeunes de s'interroger, de dire bon, mais finalement c'est possible et de se refixer de nouveaux objectifs. Je vais donner l'exemple d'une action qui avait eu un effet vraiment de réflexion chez les jeunes, c'était au niveau de la persévérance scolaire. Le dernier établissement dans lequel j'ai travaillé, c'était en lycée. On avait mis en place un système d'affiches, en fait, où chaque personnel de l'établissement se présentait sans donner son nom, en fait, sans donner son identité, et présentait son parcours. Donc, ça allait voilà, de la syndication aux agents jusqu'au chef d'établissement. Et les élèves devaient deviner qui était cette personne qui n'avait pas eu son bac la première fois, qui se faisait exclure de cours, qui a dû se réorienter. Et donc, ils ont trouvé ensuite voilà, les personnes et se sont rendus compte que c'était des gens pour lesquels ils avaient une image d'un parcours sans faute. Et ça a permis de rendre possible, et je pense que le fait de se dire ben, finalement, c'est possible, on a tous des parcours dans nos vies qui ne sont pas linéaires. Et ça permet de se dire c'est possible et je me fixe donc et je retravaille sur ces formes de la motivation qui a été évoquée au départ, c'est-à-dire je me fixe de nouveaux buts et de nouveaux objectifs. Et il en est même pour le fait de faire venir des professionnels en établissement qui parlent de leur parcours. Et ça a une action, je pense, globale et permet de retravailler justement toutes ces formes de la motivation. Et alors, vous avez tous parlé à un moment donné ou évoqué la conception, enfin la perception de l'élève qu'on a qui sous-tend tout ça. Donc pour conclure, parce que comme à chaque fois, c'est absolument passionnant et donc on l'a tout à fait dépassé, quelle est la perception pour vous en tant que professionnel, que ce soit enfin, enseignant ou tous les professionnels de l'éducation autour de l'élève, qui est important et qui sous-tend ce travail sur le processus motivationnel? Ah, je vais laisser Anne, du coup, vas-y, vas-y. Bah, moi, tout simplement, en deux mots, c'est, je me dis toujours que tous les élèves ont envie d'apprendre et de réussir. Tous rêvent d'être un super bon élève qui fait bien son travail et qui a des bons résultats. Et du coup, en regardant tous les élèves comme ça me permet d'essayer de trouver les stratégies pour les accompagner dans cette direction. Ben, je te rejoins aussi, vraiment, enfin, dans mes entretiens, c'est ce qui ressort à chaque fois et ce que je dis aussi aux parents, c'est croire en sa capacité d'évolution pour qu'il puisse croire en lui, c'est justement nous croire en sa capacité telle qu'il est, avec son parcours, son histoire, son niveau. Et ça, à mon sens, c'est un point de départ vers justement un processus d'évolution. J'aimerais revenir sur avant la conception de la motivation, justement du point de vue des motivations autodéterminées, puisque finalement c'est quelque chose qui est extrêmement important à bien saisir quand même dans le cas d'apprentissage scolaire, c'est que vous ne pouvez pas motiver quelqu'un. Si vous cherchez à motiver quelqu'un, c'est que vous êtes en train de chercher à contrôler son comportement en fait. Donc vous instituez en fait une motivation contrôlante. La seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre en place ces éléments dans la situation qui vont permettre effectivement à la personne de trouver pourquoi est-ce qu'elle fait les choses elle-même. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc là, ce n'est pas du coup du côté de l'élève, je suis en train de parler, c'est vraiment du côté de l'encadrement, quoi. Chercher à motiver, déjà, vous partez d'un mauvais pied du point de vue des théories de l'autodétermination. Ne cherchez pas à motiver. Mettez en place les éléments qui permettent à l'individu de comprendre pourquoi il est motivé, lui. Partez du principe que la motivation, vous ne pouvez pas la contrôler. Je crois que c'est s'il y avait une chose à garder quand même assez centrale, ça serait quand même ça. La deuxième chose à garder assez centrale au niveau des conceptions, c'est que les êtres humains sont constitués pour apprendre. On est en fait, on est motivé pour apprendre d'emblée. C'est-à-dire quand on est, on apprend tout le temps, puisqu'on n'a pas d'instinct, justement. Ce qui fait que bah, on est obligé d'apprendre, c'est constitutif de notre façon d'être. L'apprentissage, la découverte, la curiosité, la compréhension sont constitutifs en fait de notre motivation de base en fait. On est comme ça quoi. Et du coup, ce qui se passe effectivement dans le monde scolaire, c'est que On apprend que l'on ne peut pas faire certaines choses. On ne peut pas apprendre certaines choses. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on croit, justement, on acquiert cette conviction qu'on peut faire les choses. Ça s'appelle la résignation apprise. Et c'est un apprentissage, malheureusement, la résignation apprise. Ce n'est pas quelque chose non plus d'inné. C'est-à-dire qu'on est confronté à des environnements où, finalement, ce que je disais tout à l'heure, la notion d'effort est extrêmement importante. Où, globalement, il faut arrêter de faire des efforts. Donc, on parlait des limites de la motivation. C'est-à-dire, quand on est confronté à un environnement, quels que soient les efforts que l'on fait, il faut mieux pas faire d'efforts. Vous voyez? Donc, si on fait acquérir cette conviction-là à un individu, qu'il faut mieux pas faire d'efforts, bah, ça se traduit, bah, faut mieux pas être motivé. Donc, c'est ça, en fait, qui se passe assez quotidiennement dans le monde scolaire. C'est qu'on crée, en fait, des conditions d'apprentissage où il vaut mieux pas faire d'efforts. Donc, on résigne, en fait, les individus. Et une fois qu'on a acquis ça, c'est très compliqué de faire machine arrière parce que, en fait, notre système est créé de façon à faire croire aux individus qu'il ne faut pas qu'ils fassent d'efforts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire machine arrière? C'est une vraie problématique. Alors, jusque-là, on ne s'était pas trop préoccupé parce que finalement, on se disait, bah, si, il ne réussit pas dans le monde scolaire, le monde du travail pourra l'accueillir. Maintenant, on se rend compte que le monde du travail n'accueille plus les individus qui n'ont pas un certain nombre de compétences minimum dans le monde scolaire. Donc, on est en train de faire machine arrière, on est en train de comprendre justement que c'est extrêmement problématique qu'il y a des individus, enfin que notre système crée ce genre d'individus. Donc, on est en train d'essayer de déconstruire en fait les éléments de notre situation scolaire qui créent ce type d'individu. Donc, ça, c'est très positif, ça marche. Je pense qu'il faut quand même le dire, hein, ce n'est pas quelque chose qui voit l'échec, heureusement. Faut pas être résigné par rapport à ça. Ça marche, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je pense que ce que dit Saïda et ce que dit Anne montrent que ça marche, il n'y a pas de problème, ça marche. Il faut simplement leur donner de plus en plus d'ampleur. Il ne faut pas s'arrêter là. Faut pas être satisfait de ce qu'on fait. Il faut continuer à développer ce type de système, ce type d'approche que développe Anne, ce type de système que développe Saïda, de façon à ce que ça s'enclenche de plus en plus et qu'on ait de plus en plus d'éléments favorables à justement à cette mise au mur, physiquement, d'une partie des individus qui, effectivement, par exemple, ont des CSP plutôt faibles. Bah, ça veut dire qu'ils partent de moins haut au départ. Et comme ils partent de moins haut, bah, globalement, leur faire comprendre qu'ils sont plutôt pas au niveau. Et donc, comme ils ne sont pas au niveau, ils comprennent eux-mêmes qu'ils ne sont pas au niveau. Et comme ils ne sont pas au niveau, ils vont aller plus facilement dans le mur. Il y a une partie qui n'iront pas. On a compris aussi les processus psychologiques qui font qu'il y a une partie, même si les individus partent de moins haut, ils y arrivent quand même parce que bah, ils ont d'autres ressources. Ils ont pris d'autres ressources. Par exemple, les ressources familiales vont leur permettre, effectivement, de traverser certaines épreuves beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, on comprend bien ces mécanismes-là, mais autant partir de là-bas, c'est-à-dire mettre en place des systèmes qui emmènent le moins en moins d'individus au mur, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes d'apprentissage qui ne conduisent pas à la résignation, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais un exemple que tu proposes auquel tu as assisté ou sur lequel tu as travaillé? Bah, c'est justement, par exemple, c'est ce que j'essaie de mettre en place avec Anne, puisque je sais que le principal ingrédient qui fait que on va au mur, on conduit les élèves au mur, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est cette conviction qu'acquiert l'individu qu'il n'est pas capable d'agir. C'est-à-dire que quels que soient ses efforts, bah, il n'a aucune façon d'y arriver. Donc, si vous ancrez cette conviction-là chez un individu, bah, vous le mettez tout de suite face à une impossibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite, enfin, ce que j'ai essayé de faire à un moment donné. Quand j'ai pu le faire dans le cadre de situations réelles, quand on me demande de travailler dans le monde scolaire, c'est toujours travailler sur l'évaluation, puisque c'est le cœur du problème, en fait. Quand vous travaillez sur l'évaluation, vous êtes au cœur de la motivation. Vous ne travaillez pas sur l'évaluation, vous travaillez sur la motivation, en fait. La motivation, l'évaluation est un des principaux ingrédients de la motivation scolaire. Donc, travailler sur l'évaluation, c'est travailler sur la motivation. Donc, on travaille sur l'évaluation, on essaye de comprendre, effectivement, les processus qui vont conduire les individus à se persuader qu'ils ne sont pas capables d'apprendre. Donc, parce que les principaux éléments qui vont leur faire croire qu'ils ne sont pas capables d'apprendre, bah, c'est les évaluations qu'ils reçoivent, en fait. Donc, effectivement, on travaille là-dessus, et en travaillant là-dessus, vous travaillez sur la motivation des individus. Je dirais que tout ce qu'a dit Anne à ce niveau-là, et même tout ce qu'a dit Saïda à ce niveau-là, sont des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Je vous remercie beaucoup pour ce temps. Je vous ai gardé plus longtemps que prévu, mais c'était très riche et on aurait pu continuer longtemps. J'ai encore beaucoup de questions pour vous, mais on verra peut-être pour une suite. Je vous remercie beaucoup et puis Merci. très bonne journée. Merci. Merci. Merci pour tout. Merci beaucoup.